et maladroite. Elle en sourit souvent. D'ailleurs, elle sourit tout le temps. Elle voudrait que tous les gens soient heureux dans les rues, dans leur maison. Elle court plus vite que moi. J'ai bien tenté de la suivre. J'y ai laissé les chambres. Comme depuis, je boite. Ses yeux attrapent des fous rires. Ses yeux si clairs que les étoiles brillent. Frère et moi, on n'est pas là aujourd'hui. On s'en va pour Saturne. Fred adore les courgettes. Elle les mange au gratin. Ou sauter à la poêle. Je la soupçonne dans la nuit de se lever et d'en dévorer une deux. Avec frère mais connecté, on est presque d'accord sur tout. À part quand et là elle insiste, comme si j'allais changer d'avis. Elle argumente et se match mieux. Frère et moi, on n'est pas là aujourd'hui. On s'en va pour Saturne. Un jour on aura un potager au bord d'un étang, avec des sols qui pleureront dedans. On sera heureux, Fred et moi, avec nos récoltes de courgettes.